Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Il est contre-productif d'interdire le marché parallèle du carburant à Nyamitanga tant que la pénurie du carburant reste d'actualité, estiment certains commerçants contactés par notre correspondant. C'est également l'avis de l'économiste Diomède Nineretse qui suggère à l'État de se résoudre à s'approvisionner chez les voisins. Vous l'entendrez. La vie est dure pour les occupants des parcelles dans les 160 hectares autour du palais présidentiel de Gassénié depuis qu'il leur a été interdit de ne plus rien y faire avant la délimitation ordonnée par le président de la République. C'était en décembre dernier. Reportage à suivre. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Une lutte musclée contre le trafic de carburant sur le marché parallèle de Nyamitanga en province de Cibitoke est rapportée par certains commerçants de ce produit depuis près d'une semaine. Ceux qui se sont exprimés ce lundi estiment que la disponibilisation du carburant dans les stations est le moyen sûr de lutter contre ce commerce illicite du carburant. Correspondance d'Ospes Caritas Cabagnana. Une femme rencontrée à Nyamitanga ce lundi se lamente qu'elle n'a plus aucun sou pour nourrir ses enfants. Deux bidons remplis de carburant qui faisaient son capital ont été saisis par les forces de l'ordre la semaine passée, comme elle le dit. Jusqu'à ce jour, le commerce du carburant sur le marché parallèle est sévi. On nous prend ce produit, on nous tabasse et on nous tire dessus à balles réelles. Avant-hier, ma cousine a été tirée dessus au niveau de la cuisse. Elle est hospitalisée. Cette femme est l'une parmi beaucoup d'autres commerçants de carburant fraudés à partir du pays voisin, la République démocratique du Congo. Des commerçants qui sont basés à Nyamitanga, en commune Buganda de la province de Cibitoke. De même, des transporteurs par moto ou par véhicule se lamentent également puisque le carburant est actuellement rare et coûte très cher. Comme nous l'avons constaté, la RN5, la route Bujumbura-Cibitoke, est presque déserte, très peu de véhicules y passent. Les véhicules d'autres provinces qui venaient auparavant chercher du carburant à Nyamitanga ne viennent plus et les clients nombreux sur les routes ne savent plus à quel sens se vouer. Spécialitas Kavanyana à Nyamitanga pour la radio Isanganiro. Et certains taximens à mairie de Bujumbura disent qu'ils travaillent difficilement à cause de la pénurie du carburant de type essence. Ils expliquent que cette situation est aggravée par la lutte contre le commerce de ce produit sur le marché parallèle de Nyamitanga, sur lequel ils se rabattaient en cette période. Ils plaident pour la disponibilisation du carburant. La pénurie du carburant est une question qui nous préoccupe, nous les taximens, et d'ailleurs c'est toute la population burundaise. Ces jours-ci, la situation est aggravée à cause des mesures prises interdisant le marché parallèle du carburant à Nyamitanga. Le carburant en provenance de Nyamitanga nous aidait beaucoup parce qu'une fois observée une carence de ce produit dans les stations-service, le recours c'était le marché parallèle du carburant. Nous demandons au gouvernement de laisser l'approvisionnement du carburant en provenance de Nyamitanga en attendant les processus d'approvisionnement effectués par les autorités habilitées. Il n'y a pas de carburant du type essence dans les stations-service. Quelquefois le mazout. Ce que je demande, c'est que le marché parallèle du carburant continue pour pouvoir nourrir nos familles. Nous sommes déjà habitués à la pénurie du carburant. Dans les stations-service, le carburant est introuvable, sauf quelques quantités en provenance de Nyamitanga qui nous aidaient ces derniers jours. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est qu'on nous laisse à s'approvisionner au carburant en provenance de Nyamitanga. C'était le micro-baladeur de la rédaction. À ce sujet, l'expert économiste Diomède Nineretse suggère à l'État d'accepter de s'approvisionner dans les pays voisins à défaut de rendre disponibles les produits pétroliers à temps et en quantité suffisante. Suivez ses explications. Il faut absolument que l'État prenne conscience. C'est notamment l'acceptation de s'approvisionner dans les pays limitrophes. Je suis trop gêné de voir que maintenant, si la population est capable de s'approvisionner au Congo, au Rwanda ou en Tanzanie, comment l'État n'est pas capable de négocier effectivement l'approvisionnement du carburant à travers la Tanzanie, à travers le Congo, au lieu effectivement de faire la chasse de ces gens. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut éviter la fraude, qu'il faut éviter le marché noir, mais l'État doit obligatoirement garantir le minimum d'approvisionnement. Aujourd'hui, c'est impensable que le prix, par exemple, officiel, c'est autour de 4 300, alors que effectivement sur le marché noir, on trouve que c'est autour de 10 000, 15 000. Je crois qu'il faut essayer effectivement de diversifier les ressources. Il faut encourager l'utilisation, bien évidemment, des énergies alternatives. Il faut, bien évidemment, d'autres conditions et d'autres solutions envisageables. C'est notamment l'incitation à l'efficacité énergétique. C'est notamment, effectivement, essayer de trouver les devises pour provisionner le carburant et surtout alléger les barrières possibles pour que l'approvisionnement du carburant soit disponible. Le grand problème, c'est effectivement, c'est de trouver des devises, mais aussi, effectivement, au moins essayer d'accepter que nous pouvons nous approvisionner dans les pays limitrophes en attendant qu'à long terme, on trouve les devises pour s'approvisionner. Parce que le vrai problème, c'est effectivement le manque de devises, mais aussi le vrai problème, c'est le manque de coordination, mais aussi c'est l'authenticité dans la résolution des problèmes. L'économiste Diomède Denis Neretse pour boucler ce dossier carburant. L'association de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom, constate que la société pétrolière du Burundi, Sopebu, est incapable d'importer le carburant du fait qu'elle ne reçoit pas un capital suffisant en devises. Même s'il salue la façon dont se fait la distribution aujourd'hui, Gabriel Rufsiri, président de l'Olicom, s'indigne de l'opacité qui entoure l'attribution des marchés par la Sopebu. On l'écoute. D'abord, quand vous parlez des produits pétroliers au Burundi, je pense que vous minimisez le problème. Parce que aujourd'hui, les problèmes qui entrent au Burundi actuellement pour nous, c'est la disponibilisation des devises. Il faut que le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, la société civile, les syndicats et autres, puissent se mettre ensemble en vue de chercher des solutions ensemble. Pour nous, l'importation des produits stratégiques dont le Burundi a besoin. Il y a un problème. Vraiment de devises. Même peu de devises que nous disposons, souvent, nous voyons que ce n'est pas vraiment bien géré. C'est pour cette raison que, pour nous, comme solution, je pense que, je reviens sur la question que vous venez de poser, la Sopebu seule ne peut pas avoir le carburant. C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'Olicom, on demande à ce que cette question soit résolue d'une manière définitive. Je m'excuse, je ne réponds pas vraiment à votre question. Je réponds à une demande, je dirais générale, qui concerne le pays. Il faut que d'abord, le gouvernement cherche au moins 500 millions de dollars en vue au moins de faire 2, 3, 4 mois d'approvisionnement de ces produits stratégiques. Entre-temps, il faut une gestion transparente des marchés. Il faut lancer des appels d'offres ouverts à tout le monde et que tout le monde suit et que le meilleur gagne. Troisièmement, on doit canaliser et gérer d'une manière rationnelle les devises qu'on va avoir. Au niveau de la communication de la Sopebu, nous voyons que souvent dans son compte Twitter, il publie les listes des stations qui ont laissé les produits pétroliers, mais je dois vous dire que les missions de la Sopebu s'étendent sur plusieurs catégories. On a vu que la Sopebu, au lieu de s'occuper de la régulation et du contrôle du secteur pétrolier, il est en même état commerçant. Donc pour nous, nous voyons que ce n'est pas bon. Gabriel Rufsiri, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, Olicom en sigle. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Des occupants des parcelles dans les 160 hectares autour du palais présidentiel de Gassigny disent qu'ils vivent dans des conditions inappropriées. Depuis que la mesure de l'an 2016 interdisant la construction ou la réhabilitation de leur propriété est observée, et comme conséquence, certaines maisons inachevées s'écroulent durant la saison pluvieuse et les populations se retrouvent sans possibilité d'exercer ou de n'exercer aucune activité génératrice de revenus. Victimes de démolitions et expropriés, tous réclament des indemnisations après délimitation de cet espace, comme l'a récemment ordonné le chef de l'État. Un reportage d'Ornella Mucho. Arrivé à la colline Gasengi, située dans les 160 hectares proches du palais présidentiel, l'on constate des maisons construites et d'autres inachevées. Parmi ces maisons, certaines ont des fissures, d'autres des clôtures qui risquent de tomber. Dans cette même localité, ces constructions inachevées ont été démolies par les eaux pluviales. Les occupants de ces parcelles indiquent que c'est suite à la mesure de l'an 2016, déclarant cette zone d'utilité publique destinée à abriter les infrastructures de la présidence du Burundi. Ils déplorent que depuis lors, ils sont contraints de vivre dans des conditions misérables et dans des logements indécents et surtout qu'ils avaient demandé des crédits pour construire ces maisons et exercer différentes activités génératrices de revenus dans cette localité. Cette mesure a été prise il y a plus de 8 ans. Nous vivons dans des conditions inappropriées. On avait contracté des crédits pour acheter des parcelles, mais après cette mesure, tout a changé. Avec ces crédits, on voulait exercer des activités génératrices de revenus, mais en vain. Ce n'est plus possible, encore moins le développement. On n'avait aucune permission de déboucher même les toilettes. Vous comprenez que ce n'est pas facile. Plusieurs personnes ont même attraper des maladies demensales. Vous voyez, par exemple, l'état de cette maison suite à cette mesure. Il y a une autre maison à côté, toute démolie. Sur cette même rue, 6 maisons ont été démolies et il y a d'autres qui se trouvent derrière. Je n'avais plus droit de vendre ces bonbons plantés dans ma parcelle. On me disait qu'elle est d'utilité publique et de l'autre côté, je n'avais même pas le droit de récolter les haricots. On m'a carrément interdit. Le chef de la cellule Nyarubondo 4 sur cette colline de Gasengi, Dominique Ndiragakura, indiquait que des 100 maisons ont été démolies. Tous demandent que le tarif des indemnités corresponde à la valeur des constructions pour ceux qui devront quitter l'espace et pour d'autres dont leurs maisons ont été démolies. Ces maisons démolies ont causé des dégâts énormes et des familles en sont les premières victimes. Nous demandons à l'État, qu'après délimitation, d'indemniser toute personne dont la maison a été démolie en donnant des tarifs qui correspondent à la valeur de la construction et de leurs biens. Si c'était possible, le gouvernement pourrait indemniser la population si le gouvernement pourrait penser à leur donner des parcelles. Parce que ces maisons sont dans cet état suite à la mesure prise par le gouvernement. Ils le disent après la nouvelle orientation du chef de l'État fin décembre 2024 sur la délimitation de cet espace dans un délai ne dépassant pas un mois et comme convenu lors d'une réunion organisée au cours de ce mois de janvier avec les ministères en charge de mettre en application cette mesure. Ornella Mucho, la régie de production et de distribution de l'eau et de l'électricité, promet aux habitants du quartier Tenga en zone rurale de la province de Bujumbura de les alimenter en eau potable dans un délai ne dépassant pas un mois. Jean-Albert Manigomba, directeur général de la régie des eaux, explique qu'ils ont mis du temps pour évaluer la quantité d'eau à leur fournir compte tenu du nombre de ménages dans ce quartier. Il réagit ainsi aux lamentations de ses habitants qui trouvent de l'eau à peine. On l'écoute. Les quartiers de Tenga et Rubirizi, maintenant, on ne peut pas dire qu'ils ont accès à l'eau potable parce que, comme vous le savez, la ville de Bujumbura a beaucoup augmenté, mais la production n'a pas suivi le même rythme. C'est pourquoi, dans ces dernières années, nous avons arrêté à raccorder des populations de ces localités raccordées à l'eau potable. Il y a même, comme vous venez de dire, il y a des tuyaux qui passent là-bas, mais qui ne circulent pas d'eau dans ces tuyaux. Maintenant, ce que je peux dire à la population, c'est qu'on est en train d'augmenter la production, surtout avec la mise en service de la YP Matiazo, maintenant, alors, a déjà arrivé ici à Bujumbura. Et il y a aussi des forages qu'on est en train d'exécuter. D'ici peu de jours, on va commencer à alimenter ces tuyaux, on va commencer à raccorder la population de ces localités parce qu'on voit qu'on est en train d'augmenter la production en eau potable. Il faut que ces localités, la population de ces localités s'attendent essentiellement parce que d'ici peu de jours, ils seront raccordés, ils seront alimentés en eau potable. 6 mois viennent de s'écouler sans aucune descente sur terrain au tribunal de grande instance de Rumonge. À l'origine, c'est le manque de carburant, selon le président de ce tribunal. Un problème rapporté aussi au parquet de Rumonge, en plus du manque de véhicules, obligeant certains plaignants à payer les frais de déplacement des prévenus. Lors d'une réunion organisée par le gouverneur de Rumonge à l'intention des services de justice, de défense et de sécurité ce mardi, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République à Rumonge ont sollicité l'intervention de l'administration provinciale dans la mesure du possible. Jean-Pierre Misako. À côté d'un véhicule souvent en panne, le manque de carburant est à l'origine de la perturbation des activités au tribunal de grande instance de Rumonge. Le président de ce tribunal explique qu'avec la nouvelle application Igitoro Pass, ce tribunal s'approvisionne à la station Delta 6 dans la ville de Bujumbura à raison de 75 litres. Et avec ce quota, il devient pratiquement impossible de quitter Rumonge pour aller s'approvisionner à Bujumbura et revenir organiser des descentes sur terrain avec cette même quantité de carburant. Une situation qui a conduit à plus de 6 mois sans aucune descente sur terrain organisée par ce tribunal et à son président de solliciter une amélioration dans l'approvisionnement en carburant. Des problèmes à ce tribunal, c'est aussi le manque d'infrastructures obligeant plus de 3 magistrats à se partager une même chambrette, même pour les greffiers, des problèmes de conservation des dossiers qui sont souvent la cible des rats, le problème des sanitaires avec des fosses septiques et puits perdus bouchés après leur utilisation par les victimes de la montée des eaux du lac Tanganyika. Ici aussi, l'administration provinciale et communale de Rumonge sont interpellées. Le manque de véhicules et de carburant concerne le parquet de Rumonge, devenu incapable de faire des enquêtes urgentes de terrain avec des plaignants ou même des officiers de police judiciaire obligés souvent de déplacer les prévenus sur leurs frais, selon le procureur de la République à Rumonge. Ce procureur et le président du tribunal de grande instance de Rumonge constatent la multiplication des mandats pour forcer les gens à comparaître et voudraient la contribution de l'administration pour une éducation civique. Cette réunion à l'intention des services de justice, de défense et de sécurité s'est poursuivie à huis clos. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Et pour boucler ce journal, les hauts cadres de la présidence de la République récemment destitués devraient être traduits en justice en toute impartialité afin que cela serve de modèle à tout mandataire public. Cela ressort d'un communiqué sorti ce lundi par la plateforme intégrale de la société civile burundaise après la destitution des 3 cadres impliqués dans la libération des prisonniers ne faisant pas partie de la liste de ceux qui devraient bénéficier de la grâce présidentielle. Hamza Venaburiku, qui est porte-parole de Pisque Burundi, appelle le président de la République à traquer toute personne impliquée dans cette affaire. Suivez-le. Non seulement cet acte vraiment est très noble et louable pour le chef de l'État, et c'est un acte qui vient de témoigner sa bonne foi et sa bonne volonté d'œuvrer toujours dans la bonne gouvernance, l'équité pour qu'elle quitte rien dans tous les secteurs de la vie nationale, comme il a fait son bâton de combat. C'est une mesure qui renouvelle encore une fois la confiance que nous avons en lui. Certes, la chaîne est visiblement longue. C'est la raison pour laquelle la presse Burundi et le CAPES Plus encouragent le chef de l'État à continuer à traquer toute personne qui, de près ou de loin, serait impliquée ou comprise dans ces actes de traîtrise. Pour le moment, qu'il soit destitué ou limogé de leurs fonctions, mais aussi qu'il soit traduit devant les juridictions compétentes afin qu'ils répondent à leurs actes à la hauteur de la gravité de l'infraction. Et aussi, ça sera rendre justice aux victimes de viols et assassinats et la libération totale de tous les prisonniers concernés par la grâce présidentielle. Ainsi, les gens auraient à craindre et décourager cette responsabilité notoire de certains responsables de certains publics dépourvus de sens humain, de dignité et du patriotisme. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.